Yes. Entretien de Grenoble. Alors, on a écouté. On en parlait justement en antenne. Donc, on va avoir un peu XOR Gate là en fond. Un morceau de Radio Log. Avec 2G. Radio Log, ouais. C'est ouais. Un projet de EOD. EOD. Islandais. Islandais, qui est sorti en 2006, je crois, sur Weme Records. Un label anglais. Non, belge. Belge. Weme. Fameux label. Fameux label. Big up à Weme et à tous les Belges. Ouais, fameux Belge. Et on disait que donc le morceau s'appelait Volleyball. Parce qu'il y avait. C'est un album. En fait, on pourrait dire que c'est une sorte de projet. Radiologue, ouais. C'est ce que t'as dit d'ailleurs. C'est assez conceptuel. C'est assez conceptuel. Les titres de morceaux sont soit des sports, soit de l'équipement pour le sport. Ouais, Sport Tools. Sport Tools. Super. Alors, donc, on écoute. Excuse-moi, je suis un petit peu distrait. On écoute XOR Gate et j'aurais voulu qu'on aborde le sujet très brièvement de l'explication de ce nom. Alors je te pose la question ou on en discute donc c'est que sais-tu de ce nom? Bah c'est des opérateurs booléens donc. XOR Gate. Ouais. Je te mets la page utilisée, Wikipédia. En électronique. En électronique voilà. Et donc il existe plein de ces opérateurs, des OR, des AND. Ouais. Et XOR c'est exclusive OR. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir besoin dans deux inputs d'avoir soit l'un, soit l'autre, soit un true, soit un false, soit un true, mais, ouais. Mais pas les deux à la fois pour que la porte s'ouvre. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Voilà. Donc est-ce que tu penses que... Pourquoi il aurait choisi ce nom, Heinrich Müller Gérald Donald, ouais. Bon. Est-ce que tu crois que c'est une signification particulière? Pourquoi il n'a pas pris le Nord, par exemple? Tu vois, bon, le Nord, 2 fois 0, ça donne un 1. Bon, je sais pas. Il doit y avoir... On pose la question. S'il y a des Drexians qui nous écoutent. Ouais, c'est une question que je me pose et qui serait intéressant d'avoir la réponse. Si des gens sur le chat peuvent nous aiguiller. Peut-être. Bon, voilà. La porte est ouverte. Ok. C'est bon, on se détend un petit peu, c'est l'entretien de Grenoble avec Binary Digit Ben. Donc ça fait une dizaine d'années que tu fais des morceaux, ouais. principalement, pas sur des machines, quand même, on a le droit de dire ça. Ouais. Ouais. Ouais, enfin, des fois. Un peu de tout. Un peu de tout, mais j'aime bien les ordinateurs quand même. Ouais. D'où ton nom d'artiste. Ouais. Ouais. Et pourquoi aimes-tu les ordinateurs spécifiquement par rapport aux machines? J'aime bien les. C'est beau un ordinateur, c'est un bel objet technologique. Ouais. Et puis un ordinateur, c'est pratique quoi. Faire de la musique sur ordinateur, c'est quand même avoir un peu accès à tout. Quand t'es ado et que t'es fauché, tu télécharges un peu des trucs ou tu vois, il existe plein de trucs gratuits, plein de ressources. C'est vrai. Pour faire de la musique et ouais. ça ouvre quand même le champ des possibles. À moindre coût. À moindre coût, exactement. Voilà. Comme ce fameux logiciel VCV Rack, enfin pas un logiciel, mais c'est un logiciel de modulaire virtuel. Ouais. Bon, qui n'existait pas à l'époque où t'as commencé la musique. Donc tu utilisais quoi, des trackers plutôt gratuits ou... Quand j'ai commencé, j'ai utilisé un tout petit peu de trackers. Et puis je suis passé de l'un à l'autre à plein de trucs. J'ai dû utiliser un peu un truc qui s'appelle ceux qui font Rebirth là, tout ça. Oula, je ne sais pas. Propeller Head Software là, comment ça s'appelle Tu vois pas ce Propeller Heads? Je connais un duo qui s'appelait Propeller Heads, mais c'est pas ça. Non, c'est le développeur. Bref, j'ai oublié le nom de ce soft. Bref. Puis beaucoup d'Ableton déjà. Ableton, ça fait quand même longtemps que c'est là. Oui. Il me semble que j'ai quand même beaucoup utilisé Ableton Live à l'époque. Je devais avoir une version 6, tu vois, ou 7, non 6, je pense. Donc ça remonte un peu, c'est une dizaine d'années. Reason. D'accord. J'ai totalement détesté ce soft. Mais pourtant, je l'ai utilisé un petit moment. 94, ouais. Ok. Voilà, je sais pas ce que ça devient. Peut-être que c'est bien maintenant. Peut-être, hein, ça a l'air d'exister encore. Voilà. Ils ont un site. Ouais. Mais à l'époque, je commençais un petit, j'ai utilisé aussi un, quand même pas, un petit peu de hardware à l'époque. Quoi. Quand j'ai commencé à faire un petit peu de la musique électronique, je m'étais dégoté une Electribe bleue. Ah oui. Du Korg Electribe bleu avec la petite lampe. Avec la petite lampe. Ouais. Qui est la même que la rouge. Qui est la même que la rouge. Alors à part la que couleur change. Non. La rouge sample. Ah oui, la rouge sample. C'est le modèle avant la rouge. C'est le modèle non, c'est le non, modèle synthé c'est quoi. Le modèle synthé, ils sont côte à côte. D'accord. Et donc voilà, ça c'était ma première Groovebox. Elle était très sympa, cette Groovebox. Tu as fait des morceaux, tu as enregistré des morceaux. J'ai fait des morceaux, je les ai enregistrés d'une traite. D'une traite, ouais. Voilà, bien sûr. Et c'est un truc que je fais toujours encore aujourd'hui, ça des fois mais avec un autre instrument. Bah avec d'autres instruments, mais tu vois brancher des machines et puis enregistrer des jams, pas les multitraquer justement et pas avoir ce truc un peu que tu fais sur l'ordi où t'as un peu ce contrôle de tout, du mixage, tu vois, t'as toujours envie de revenir dessus un petit peu. Ouais, et de peaufiner. Voilà, t'as un peu cet avantage là de pouvoir te permettre de faire des trucs rapidement sans y faire trop attention. Et tu peux faire ça rapidement avec l'ordinateur. Bah aussi, tu peux aussi, du coup tu peux, c'est pour ça que voilà, pour revenir à VC Verac par exemple, c'est vrai que tu peux te faire un peu des configurations comme ça, utiliser des contrôleurs et puis enregistrer un peu tes patchs aussi comme ça, un peu reproduire un peu des workflows que tu aurais avec, avec du hardware quoi, et c'est cool. Qu'est-ce que on va s'écouter maintenant? On a toujours avec Sorgate en. On a l'embarras du choix. C'est vrai, t'as amené plein de morceaux. Et j'en ai trop pris. Non, on peut mettre des petits bouts ouais, et puis comme on les écoute. On les écoute tous. Il y a un hein. chemin. Écoute, on pourrait commencer peut-être par écouter Photo Démentia, parce qu'on en parlait la dernière fois ensemble. Et donc, alors pas de problème. De 04C. Et donc le premier ou le deuxième, plutôt celui d'en dessous. Plutôt Gyrectomie. Gyrectomie. Et eh ben sans transition, on y va avec Photo Démentia, qui est le nom de la compilation. Qui est le nom de l'artiste. Non, qui est le nom de l'artiste, le morceau Gyrectomie. C'est ça. C'est ça. Allez, à tout de suite. Thank you. Et les micros étaient ouverts. Ah, nickel. Ouais, nickel. Bah, je sais pas. Bon, c'est comme ça. La radio, c'est ça aussi. Ah, le morceau n'était pas fini, pardon. Voilà. C'est bon. Ça y est. Donc, c'était GX1. Solo, pardon. GX1 solo, The Tuss. The Tuss, un projet de côté. The Tuss derrière qui se cache Eh ben probablement Aphex Twin. Probablement Aphex Twin, ouais. Qui n'est plus caché, du coup. Qui n'est plus caché. Je sais pas s'il l'a confirmé lui-même. Je crois qu'il l'a jamais confirmé lui-même, mais... Les rumeurs sont très vivaces, ouais. Et presque avérées. Et peut-être grâce d'ailleurs à ce morceau GX1 solo. Autour duquel tourne une rumeur. Une rumeur de qui est le seul à posséder ce mythique synthétiseur, le Yamaha GX1. Qui serait un proto, donc, comme qui on disait. Un truc qui pèse 300 kilos des années 70, qui était fait à très peu d'exemplaires. Oui, et parce donc que voilà, c'est un proto. Non, mais jamais vendu, alors jamais commercialisé. Et je sais pas exactement. Ouais. Peut-être bien. Faudrait nous dire dans le chat si vous avez un GX1. Yes, à la maison. On va regarder. Peut-être qu'il y a des gens qui ouais, Golem 2 in the box. Non, il y a pas trop de. Ok. Non, pas de réponse particulière. Peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'on disait? Aphex Twin qui a joué. Au Centre Pompidou pour l'ouverture du Centre Pompidou Metz. Quel est son cachet? Voilà, on se pose des questions. On se pose des questions assez essentielles et qui intéressent beaucoup de gens, je pense. On voudrait savoir, ouais. Aphex Twin, t'aimes bien les derniers disques qu'il a sortis? Ouais, j'ai bien aimé. Le tout dernier, j'ai pas suivi là. Je sais plus, tu vois, il y avait plein de vidéos avec des. Truc 3D là. J'ai même oublié le nom de ce disque, mais c'est. Ouais, mais c'est bien. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Ouais. Celui d'avant c'était quoi Jaguar, non, je sais plus, un truc comme ça. Un disque Chita, bleu. Chita, voilà. Chita, pas Jaguar. Ouais, c'était autour de. C'est justement un espèce de synthé là. Ah oui. Chita de je sais plus quel constructeur, un truc très obscur à programmer, tout ça. Apparemment l'album est conçu à l'aide de ce truc-là. Ouais, c'était un peu aussi un album concept autour d'une machine, quoi. Et oui, parce que son triple LP, enfin avant il avait sorti un triple LP, il y avait aussi du Chita des fois dans les titres des morceaux. C'était Sairo, tu parles de Sairo. Ouais, voilà, Sairo, ouais. C'était quoi, 2016 peut-être, ouais, comme ça, c'est ça. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Ouais. Ouais, et puis t'avais une espèce de dessin là avec sur la pochette où t'avais un peu le hardware utilisé qui se rejoignait sur les. Ouais. Ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Ouais, t'avais une espèce de liste de tout le hardware qu'il avait utilisé pour faire le disque. Il me semble bien que c'était Sairo, ouais. Et qui apparaît aussi dans les titres des morceaux. Dans les titres, ouais. Enfin, t'as le BPM et le BPM et des BPM absurdes. Enfin, bon, 149,387. Ouais, c'est comme ça. Hein. C'est un génie, on pourrait dire. On pourrait, à peu près. À peu près. Ouais. Voilà, avant ça, on a écouté Photo Démentia. C'est vrai, Photo Démentia, le morceau s'appelait Gyrectomie. Donc ça, c'est plus vieux. Ouais, c'est plus vieux. En fait, c'est un truc que j'ai redécouvert, quoi, que j'écoutais à l'époque sans trop savoir ce que c'était. Je sais même pas comment j'ai mis la main là-dessus. À l'époque. Ouais, il y a quand même quelques années que j'écoutais ça. J'ai redécouvert récemment et en fait, il se trouve que c'est un side project de Dev Monolith. Je sais pas si tu connais un peu Monolith, un mec qui a fait des trucs sur Reflex à l'époque, tout ça. Ouais. Et donc. En fait, je confonds avec Microlith. Avec Microlith. Pour dire. Ouais. Microlith. Ouais, ok. Monolith. Et non, Monolith, donc un anglais, il me semble, un Dev Monolith. Un anglais. Un anglais. Ok. Oui. De Mangleterre. Et du coup, je sais pas si c'est lui tout seul, si c'est lui avec d'autres gens, si c'est. Je sais pas trop, en fait. Pardon. Plus. J'aime juste beaucoup ce projet, voilà. Qui s'écoute très bien à la voiture, ce qu'on disait. J'en ai très bons souvenirs de l'avoir écouté en voiture. Donc, que c'était une 106. C'était une 205. C'était une ZX. Une ZX. Monsieur. C'est une ZX 1.9 turbo diesel. Ah ouais. Une très bonne auto. Ouais. Le turbo, c'était tout le temps tout le temps actif le turbo? Non, le turbo se déclenche aux alentours de quand on arrive vers près de 2000 tours minute, il me semble. Ok. Ouais, 1900, quel que soit le rapport. Quel que soit le rapport, ouais. Uh-huh. Ouais, c'est vraiment. Toi, t'as l'heure en secondes pour mettre le turbo. Ah, pour mettre un coup de turbo, ouais, ça turbo. Tirait bien, ouais. Fallait rouler un peu dans les tours, ça allait bien. Ouais. Et ouais. Ouais, ça consomme plus d'essence, ça c'est marrant aussi. De vider un peu le réservoir comme ça. Quoi, là. Ouais. Ok. Bon, on écoute un petit morceau Eurotech que j'ai déjà mis à cette émission. Bon, on l'a en fond, mais un morceau de techno expérimental. C'est l'ami Hendrik. Bon, bref. Hendrik, je sais. Voilà. Bon, c'est pour renseigner s'il y a des gens qui se demandent ce qu'on écoutait derrière. Est-ce que je peux mettre un morceau? Bien sûr. Ouais, cool. Je vais mettre un morceau que... Alors c'est un petit peu compliqué parce que le projet c'était à la base un projet à deux. Donc toi et moi, Bell Hooks. Et j'ai fait un morceau de Bell Hooks mais tout seul. Seul. Donc là, alors, il faut qu'on discute, ouais, savoir si c'est encore Bell Hooks. Falloir qu'on en parle, falloir qu'on... Ouais, voilà. Un peu de temps pour encaisser le truc aussi. Ouais. La trahison. Je sais pas, c'est ma première. C'est peut-être mon premier groupe, ma première séparation de groupe, donc c'est, voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on traverse ensemble, je pense. Alors c'est. Ok, ouais. Bon, ok. Bon, on va en parler. En attendant, on peut écouter le morceau, et puis tu pourras me dire après ou pendant ce que tu en penses, car la première version n'était pas satisfaisante. Voilà. Mais il me semble que l'esprit de Bell Hooks est toujours dans ce morceau. Voilà, j'aimerais que c'est ça à confirmer. Allez, ça s'appelle Sad Twin City. On y va, merci. Thank you. Profitez de la dynamique. Alors, le morceau qui suit, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est Destroyer, bon, voilà. On va le mettre, le laisser en fond. On a écouté donc Bell Hooks, donc c'est bon, c'est un morceau de Bell Hooks. Ouais. On a écouté avant le morceau qu'on vient d'écouter. Sad Twin City, Low, un morceau à queue. Ouais, un peu plus à queue, ça reste... c'est une direction, c'est une direction de Bell Hooks que je trouve bien, j'ai bien aimé ce morceau. Bon bah c'est super, comme ça finalement c'est plus vraiment une séparation, c'est une sorte d'extension mais qui fait toujours partie du tronc principal, voilà. Quoi. C'est de se donner un peu de la liberté. Ouais, très bien. Et on a écouté ensuite un de tes morceaux, Beria Players. Against Lil Fly, ouais. C'est ça. Against, ouais. C'est un combat, donc. C'est un combat. Donc c'est le sample de Lil Fly, j'imagine. Ouais, ou... ouais c'est ça. Ouais. C'est Lil Fly, je sais pas, là, un truc que j'ai récupéré, truc rap, rap de Memphis, tu vois. Ah oui. Et un peu c'est un peu un truc en ce moment. J'ai l'impression les gens samplent beaucoup des trucs de rap de Memphis et ça se retrouve pas mal dans toute cette scène un peu nouveau ghetto. Ghetto Tech, Ghetto House, voilà, c'était un peu ma tentative de... Ouais, ouais, tentative réussie. Voilà. Ghetto House. Ouais, un peu, tu vois, pas ce Juke, nouveau... Bah, Juke, ouais, Juke. Mais non. JIT. JIT. Quel terme employé. JIT. Non, JIT. Ah ouais. JIT. Bah d'ailleurs, on pourrait écouter après... un morceau de JIT. Un morceau qui s'appelle JIT Shit, de Aerotech. Ouais. Que j'aime beaucoup. Allez, ouais. Et en effet, alors JIT, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que tu retrouves souvent ce terme JIT dans la ghetto, et en fait je crois que la JIT, ça fait référence à la danse. Oui. La danse pratiquée sur ce genre un peu ghetto tech, tout ça, et qui même remonte à plus vieux que ça, il me semble. Alors j'ai JITER, le JITER, ouais. C'est un terme électronique. Ça veut dire la gigue, en fait. C'est quand t'as des alors je sais plus ce que c'est quand... C'est un truc d'électronicien, traitement du signal, en fait. C'est quand t'as des perturbations. Ok. Voilà. C'est peut-être ça. Jitter, ça correspond ça veut dire, aux jambes qui bougent beaucoup. Ouais, ouais, ça correspond à une sorte de mouvement un peu spasmodique là. Ouais, comme ouais. Ça. Voilà. Bon, ouais. Ça semble se rejoindre. Ouais. Et établir, être cohérent. Ouais. Très bien, mais on a qu'à écouter ce morceau d'Aerotech. Ouais, ça va être super. Allez, les entretiens de Grenoble avec Binary Digit, ouais, il suffit de cliquer. Thank you. Yes. Bon, je laisse. C'est trop beau. Ah ouais. Why did you sing to me that night I lay with you? That night I lied with you. That night. Sing to me, Jennifer, why did you sing to me that night I lay with you? That night I lied with you. That night you broke my C'était une petite, un interlude. Donc, reprenons. On a écouté, donc après, Aerotech Jit Cheat. Ouais. Ouais. On a écouté FTP. Alors, j'ai pas très bien compris ce que tu dis. FTP, c'est le label. C'est le label, ah, ouais, c'est le label de Textasy. Yeah, ah oui, c'est ça. Et qui sort des bootlegs ou des voilà, compilations. Ouais. Ça, c'est pas forcément de lui en fait. Ouais, pas forcément de lui. Ouais. Il y a plein de trucs sur FTP. Là, ça, du coup, ça fait partie des. C'est une track qui est sur le FTP Bootleg Volume 2. Ouais. Et voilà. Il y a plein de morceaux. C'est des trucs. Voilà. Ad Instrumental. Ce renouveau ghetto, machin. Et c'est bien, c'est de la musique de club sympa que j'aime bien, moi. Ouais, très. C'est une scène assez productive. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui produisent beaucoup, ils font plein de trucs. Et du coup, c'est cool. C'est une scène américaine. Bah lui, américain, mais il est installé à Berlin. Il vit à Berlin maintenant. Mais lui, est américain, du coup, ouais. Texan, ouais. Ouais. Houston. Ouais. Peut-être, je sais pas, non. Comme DJ Screw. Peut-être. Et d'autres. Bien. Super. Et ensuite John Moss, ouais, un petit morceau, on en parlait, cet album fabuleux de John Moss qui s'appelle Songs. On pourrait écouter ta reprise de John Moss, non? Qu'est-ce que ça... Eh ben, tu crois que tu l'as quelque part, toi? Ouais, ouais, je l'ai. Je peux la mettre. C'est une idée. C'est une mauvaise cover. Enfin, c'est une. J'ai copié un petit bout du morceau. Oui. Bah oui, voilà. Parce que c'est un morceau difficile à... C'est un morceau très difficile à reproduire. Ouais, alors il suffit que je me concentre un petit peu. C'est dans le dump, hein. On est d'accord. Voilà. En attendant de la mettre, donc c'est une cover que t'as faite quelle année? Ah. Difficile. C'est difficile. Difficile à savoir. Bah ça, c'est entre deux, donc je dirais 2015. Ouais. Ouais, 2015, 2016. Très bien. Un truc comme ça. Bon. Eh ben, on n'a qu'à l'écouter. Et puis, on pourra comparer un autre avec le morceau originel. C'est parti. C'est parti. on va en profiter pour dire au revoir. Merci Ben d'être venu. Je te réinviterai si tu as envie. Merci à toi, Nico. Il reste des choses à dire. Un plaisir. Merci d'avoir apporté tes morceaux et tes idées. Merci à tout le monde, à Pinode. Merci aux gens du chat. Merci au chat. Merci au chat. Et on se retrouve la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine d'ailleurs, puisque je suis en vacances pendant 2 semaines. Et peut-être après pour une émission spéciale New Array en version étendue. Voilà. Et maintenant c'est Toolbox, donc en direct du magasin Toolbox. Voilà. Bonjour à eux et à très bientôt tout le monde. Salut. Salut Ben, salut tout le monde.